j'y pense, j'habitais sous les toits, et mes 20 ans soufflaient souvent dans leurs doigts. Quand j'y pense, j'étais très malheureux, mais tu entrais et m'apportais tes yeux. Quand j'y pense, je regardais le ciel, j'aurais volé et dévoré le soleil. Le soleil qui passait son chemin, mais près de moi, il y avait toi, toi et ta main. Et puis voilà, je me croyais perdu, sans un ami, égaré. Tous les nuages ont soudain disparu, et mon destin s'est enfin éclairé. Maintenant, quand je revois tout ça, tant de bonheur, tant de lumière, tant de joie. Quand j'y pense, je me dis c'est trop beau, tous ces cadeaux, faudra les rendre un jour. Mais pourquoi ça finirait un jour, puisque toujours tu es là, mon